cette dimanche après Pâques, et muni de sa matraque, je me promenais sans entrain dans une forêt de sapins. J'entends de drôles de craquements et j'entrevois l'éléphant. Nous sommes des éléphants, toujours gais, toujours contents. Mais aujourd'hui c'est désolant, revoilà ce grand Tarzan. Sacré Tarzan, il craint vraiment. En continuant ma balade, j'arrive auprès de la rivière. J'avais les jambes en marmelade et je m'asseyais sur une pierre. J'étais toujours sur mon caillou quand j'entends bouger derrière moi un crocodile se tenait debout en me montrant ses crocs du doigt. Voilà qu'il s'adresse à moi avec un accent chinois. Pitié docteur, j'ai mal aux dents, il a mal aux dents, j'ai plein de caries, il a plein de caries, c'est embêtant, bien fait pour moi, mais bien fait pour lui, je n'avais qu'un pas, il n'avait qu'un pas, manger des flancs, manger des flancs, tous les repas. Je lui ai dit, ne bougez pas, je vais vous arranger tout ça. Avec ma tenaille et ma pince à ongles, des bouts de ferraille trouvés dans la jungle. Ça faisait... Il criait, je hurlais, je dois tranquille, il meulait. Il faut pas que je rigole, sans dans sa gueule est toute molle. Poursuivant mon périple, j'entendis un gros bruit. Ça me brûlait les pieds. Sous cela, c'est vraiment fou. Je vois les indigènes, tout speed qu'ils se prosternent devant un crocodile mou. Il m'a reconnu, me sort de la marmite pour me manger tout cru, malgré ma cellulite. Mais non, pas du tout. Il me sauve la vie, moi qui me croyais cuit. Merci. temps. Que vais-je faire avec un crocodile comme meilleur ami? Jamais, jamais, je désespère, je ne pourrai rentrer à Paris. Mais tout ceci n'était qu'un songe, un cauchemar hallucinant. Et malgré l'angoisse qui me ronge, je vais me lever vaillamment. Je mets mes lunettes, je ferme la fenêtre, j'allume le chauffe-eau, et je fais chauffer de l'eau. Quand on sonne à ma porte, je me demande bien qui c'est. Que le diable emporte ces satanés casse-pieds. Je veux quand même le verrou et aux malédictions. Debout sur le paillasson, il y a un crocodile mou.